Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 125. Des vices opposés à la force, et d'abord de la crainte. La crainte est un péché opposé à la force, cas où elle est un péché mortel, autre cas où elle diminue le péché. 1. La crainte est-elle un péché? Le Seigneur a dit, « Ne craignez pas ceux qui ne peuvent tuer que le corps. » Matthieu 10, 28. La bonté de nos actes consiste dans leur conformité à la raison. La crainte qui fait redouter et fuir ce que la raison prescrit de supporter, afin de ne pas perdre un bien d'un ordre supérieur, est un péché. La crainte qui porte à éviter ce que la raison nous apprend à fuir, n'est ni désordonnée ni coupable. Note. La crainte n'est en elle-même ni louable ni blâmable, mais elle mérite louange ou blâme, selon qu'elle est conforme ou contraire à la raison. Saint Paul, en écrivant, « Serviteurs, obéissez à vos maîtres temporels avec crainte et tremblement », Éphésiens 6, 5, recommandait la crainte raisonnable, qui rend des serviteurs vigilants. Les maux que la raison nous porte à éviter sont ceux auxquels on ne saurait résister et dont on ne peut tirer aucun avantage. Fin de la note. 2. Le péché de la crainte est-il opposé à la force? Nous l'avons remarqué ailleurs. La crainte procède de l'amour, nul ne craint que le contraire de ce qu'il aime. De même qu'il y a dans tous les péchés un amour désordonné qui les produit, il s'y trouve aussi une crainte désordonnée, l'avare craint de perdre son argent, le voluptueux ses plaisirs, et ainsi des autres. Mais, comme la crainte principale provient des dangers de mort et que, dans une semblable crainte, le désordre est opposé à la force, on peut dire, par antonomase, que la crainte ou la timidité est opposée à la vertu de la force. Note. On a objecté que, loin d'être opposée à la force qui brave les dangers de mort, la crainte a parfois de l'analogie avec elle, puisqu'il est des hommes qui s'exposent à la mort par la peur de l'esclavage ou de l'ignominie, témoin Caton, qui se suicida pour échapper à la domination de César. Il faut observer que les actes humains se jugent par la fin que l'on se propose. Il appartient à l'homme fort de s'exposer à des dangers de mort en vue d'un bien. S'y exposer pour éviter la servitude ou toute autre chose pénible, c'est être déjà vaincu par la crainte, qui est le contraire de la force. Mourir pour se dérober à l'indigence, à la servitude, à une souffrance quelle qu'elle soit, ce n'est pas une preuve de force, disait très bien Aristote, c'est plutôt l'indice de la faiblesse et de la timidité, il n'appartient qu'à la mollesse de fuir les choses laborieuses. Caton, se donnant à la mort pour ne pas devenir l'esclave de César, était vaincu par la crainte. Fin de la note. 3. La crainte est-elle un péché mortel? La crainte est un péché à raison du désordre qu'elle renferme, c'est-à-dire lorsqu'elle fuit ce que la raison nous défend de fuir. Agit-elle sur la sensibilité seule sans obtenir le consentement de la volonté, elle ne va pas au-delà du péché véniel. S'empare-t-elle de la volonté? De telle sorte que celle-ci, agissant avec délibération contre les ordres de la raison, soit disposée à transgresser un précepte de la loi divine, elle est un péché mortel, hors de là elle est un péché véniel. Note. Celle qui porte sur une œuvre conseillée par la perfection ne constitue aucun péché, dès qu'elle est justifiée par une cause raisonnée. Fin de la note. 4. La crainte excuse-t-elle du péché? La crainte, avons-nous dit, devient un péché par son opposition aux ordres de la raison. Or la raison nous enseigne à éviter certains maux plus que d'autres. Supporter un mal moins grave aux yeux de la raison pour en éviter un plus grand, ce n'est point une faute. On doit, par exemple, se résigner à la perte d'un bien temporel pour conserver sa vie. Au contraire, encourir un mal plus grave aux yeux de la raison pour en éviter un moins grand, est un désordre qui n'est jamais totalement excusable. Les maux de l'âme, les péchés, étant plus à craindre que les maux du corps, et ceci plus que la perte des biens extérieurs, l'homme qui, pour se soustraire aux souffrances du corps, aux blessures, à la mort ou à une perte d'argent, consent à encourir le mal de son âme, n'est pas exempt de péché. Nous devons convenir toutefois que les fautes commises sous l'empire de la crainte perdent leur gravité, elles sont moins volontaires. Les actes produits sous une sorte de nécessité imposée par la crainte, dit le philosophe, doivent être considérés comme mêlés de volontaires et d'involontaires. Note. La crainte peut nous servir d'excuse, comme principe d'involontaire. Markandanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.